L'arabe tout de suite va vous permettre d'utiliser immédiatement les constructions les plus fréquentes de l'arabe. Travaillez chapitre par chapitre de la façon suivante. Écoutez la cassette une première fois en suivant sur le livre. En vous aidant toujours du livre, lors de la seconde écoute, répétez les phrases en arabe en utilisant les blancs ménagés à cet effet sur la cassette. Travaillez ensuite avec la cassette en ne vous reportant au livre que si nécessaire.